Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve. Donc là, c'est mon deuxième épisode. Je pense pas que je vais les compter, mais bon, c'est tellement peu que je peux encore y arriver. Je vais essayer de faire mieux qu'hier. Apparemment, je me suis un peu répété. J'étais un peu trop essoufflé aussi. Je portais un gros instrument, ce qui fait que c'était effectivement un peu essoufflant. Donc là, j'ai rien sur moi, même si je marche quand même. Je pense que je vais vraiment sortir. Je vais pas être essoufflé juste en marchant. Alors. Aujourd'hui, on va parler de ton rêve, du mien, d'une autre, surtout du tien. En fait, pour moi, qu'est-ce que le rêve ? J'ai vu, j'ai regardé vite fait la définition tout à l'heure, c'est ton idéal. Enfin, il y a plusieurs définitions, mais ce dont je vais parler moi, c'est ton idéal, ce que tu rêves de devenir, d'être ou d'avoir. Et donc, on va parler de ce rêve-là. Alors, j'entends souvent comme rêve un métier en particulier, je sais pas moi, médecin, avocat, dentiste. Alors, si c'est ton rêve, c'est bien, mais souvent c'est parce que on va avoir un rêve entre guillemets rationnel. Et ce qui me saoule un peu avec cette manière de voir les choses, c'est-à-dire que si on dit à ses parents, alors moi je veux être, je sais pas, écrivain. On va dire non, tu vas prendre un vrai métier et ça s'arrête là. Alors du coup, tu veux pas prendre écrivain parce que c'est pas un vrai métier. Il faut un vrai métier pour dire à sa conseillère d'orientation, oui moi je veux faire ça et pour avoir dans les livres qui sont au CDI ton métier. Sauf que tous les métiers sont pas dans les livres qui sont au CDI et au CDI il y a pas tous les métiers. Je me répète, c'est pas très grave. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein d'autres métiers. Surtout, grâce à Internet, on peut créer son propre métier. C'est-à-dire que, grâce à Internet, si tu le souhaites, tu peux devenir YouTuber. Ou alors devenir blogueur. Ou encore podcaster. Bref, classe, je t'ai cité les plus connus, mais t'en as vraiment, vraiment, vraiment plein. C'est un peu mort aujourd'hui, mais ce que tu pouvais faire avant, c'était directement revendre sur Amazon. Des produits que tu avais achetés dans une usine, les vendre plus cher, te faire une plus-value et tu vivais de ça. C'est ce qu'on appelait les business Amazon FBA. Bon, aujourd'hui c'est mort. C'était un peu trop simple pour être vrai. Comme c'est trop simple, évidemment, il y a de plus en plus de monde. De plus en plus de monde veut dire de plus en plus de concurrence. Et bon, maintenant les marchés sont bouchés. En tout cas, c'est très compliqué. Après, il y a eu le dropshipping. C'était un peu la même chose, mais sur des sites dédiés. Et là encore, il y a une barrière très simple à l'entrée, ce qui fait qu'il y a tout de suite une très très grosse concurrence et des leaders qui sortent de la concurrence et qui commencent à accaparer tout le marché. Donc ça, c'est pas possible. Mais il y a des choses qui restent possibles avec le temps, c'est la création de contenu. Donc, ce que je fais moi, le format, c'est je fais un contenu gratuit, enfin je fais des contenus gratuits que je propose à tous mes abonnés. Donc il est accessible à tous. Sur une thématique précise pour un groupe de personnes précis, le plus près possible, le mieux c'est. Et après, une fois que tu as touché ton audience avec ces produits gratuits, tu vas leur proposer d'aller plus loin avec un produit payant. Et la différence entre les deux, c'est que dans les produits gratuits, c'est plus dans le pourquoi, ça doit aussi être agréable à regarder et assez court. Alors qu'un produit payant, ça peut être bien plus long, c'est pas forcément agréable, en tout cas forcément moins qu'un produit gratuit. Et c'est aussi tu vas dans les détails, tu expliques le comment tu vas y arriver. Par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui voudrait perdre, par exemple une chaîne sur la perte de poids, ça pourrait être chaque jour des conseils généraux sur la perte de poids, et après une formation sur une avec une méthode jour après jour, pas à pas, pour réussir à perdre du poids. Et donc voilà la différence. Donc c'est mon modèle avec mes podcasts et mes mails. Moi après là je fais deux contenus différents, mais c'est pas directement la même thématique, donc ça va. Et donc ça par exemple, là tu vois que j'ai pas créé mon métier parce qu'il y en a d'autres qui font ça, mais c'est très peu répandu et tu trouveras pas ça dans le manuel de ton OCDI. Ça veut dire qu'il y a bien des métiers qui existent et qui ne sont pas dans le manuel du CDI. Et ça, en fait, il y a quelque chose derrière ça, c'est la débrouillardise. C'est-à-dire que c'est pas parce que t'as pas de diplôme, c'est pas parce que tu fais pas un métier qui est dans les manuels de ton CDI que tu peux pas te débrouiller pour avoir un bon boulot et bien vivre de ta vie. Et donc là est la différence, et c'est pour ça que ton rêve, c'est pas forcément un métier. Ton rêve, ça doit être, il doit faire être composé de deux choses. Éviter ce que tu détestes et avoir ce que tu veux. C'est-à-dire que si ton rêve, par exemple, comme moi, c'est d'être libre, libre financièrement, géographiquement, à tous les points de vue, libre, eh ben, c'est pas un métier que je veux, c'est la liberté. Sauf que je sais que 80% des métiers, c'est-à-dire être salarié, je vais perdre cette liberté. Parce que je vais être enchaîné géographiquement, je vais perdre ma liberté d'action, la liberté de ce que je veux faire aussi. Et donc, avec le salariat, je sais que je vais perdre la majorité de la liberté que je souhaite. Donc là, déjà, ça élimine tous les métiers qui sont dans les manuels du CDI, pour commencer. Du coup, ton rêve, tu dois chercher d'abord ce que tu veux pas. Par exemple, moi, je sais que ce que je voudrais pas, c'est ne pas pouvoir voyager. Ou alors être mal payé. Voilà, c'est deux choses que je voudrais pas. Évidemment, c'est des choses très, très générales. La plupart des gens ne veulent pas ces choses-là. Pourtant, avec le temps, ils l'acceptent. Ils l'acceptent parce que, justement, comme je viens de le dire juste avant, les métiers qui t'offrent la liberté, pour la plupart, et t'en as peut-être même aucun, qui sont dans les manuels du CDI. Sauf que dans les manuels du CDI, il y a les vrais métiers dont je te parlais au début. Et donc là, on arrive à un constat consternant, c'est que pour moi, si je veux ma liberté, je ne peux pas faire un métier qui est dans les manuels du CDI. Et donc, je ne peux pas faire un vrai métier. Et à partir de ce niveau-là, énormément de personnes se découragent. Énormément. Et je le dis pas par prétention, d'ailleurs je l'ai pas encore fait, mais je compte bien le faire. C'est aussi ce que je veux te montrer avec ce podcast, comment je vais y arriver. Si tu veux des chiffres, 9% des Français sont passionnés par leur boulot. Et 26% d'entre eux, enfin 26% des Français, haïssent leur boulot. Donc tu vois bien que c'est très loin d'être la majorité des gens qui aiment leur boulot. Or, moi, je veux vraiment aimer mon boulot. Pour moi, ça fait partie... c'est un des principes de base pour être heureux. Si t'es pas passionné par ce que tu fais, je vois pas comment tu peux l'être. Alors évidemment, il y a des gens qui sont passionnés par la médecine et qui font médecin, et tant mieux pour eux. Mais est-ce que c'est la majorité des gens? Non, puisque c'est que 9% de la population française. Et donc, on en revient à ton rêve. Dans ton rêve, tu ne dois pas faire aucune concession. Zéro. À aucun moment. Si tu ne veux pas être salarié, tu ne l'es pas. C'est tout. Si tu ne veux absolument pas vivre en France, eh bien, tu te débrouilles pour ne pas vivre en France. Si tu... quoi que tu veuilles, si tu ne le veux pas, tu fais tout pour ne pas l'avoir et tu trouves une situation de vie. Quand je dis situation de vie, c'est pas forcément un métier, c'est quelque chose de plus global que le métier, ça s'arrête pas au métier. Où tu es en total accord avec ce que tu ne veux pas. Et tu appliques exactement le même schéma avec ce que tu veux. C'est-à-dire que si tu veux être, riche, si tu veux être riche, tu fais tout pour le devenir. En respectant tes valeurs, bien sûr. Et donc là non plus, tu ne fais pas de concession. C'est-à-dire que si tu veux devenir riche, tu sais que tu n'y arriveras sûrement pas avec les boulots classiques. Si tu fais, imaginons que tu veuilles faire ingénieur. Si tu fais ingénieur, tu ne seras pas riche. Aucun ingénieur n'est riche. Non, pas aucun ingénieur n'est riche, mais c'est pas seulement en étant ingénieur que tu deviendras riche. Et donc à partir de ce moment-là, tu sais que si tu veux devenir riche, tu ne seras pas ingénieur. Et le problème, c'est que comme on veut choisir un vrai métier, on va prendre un métier classique, entre guillemets, sauf que ce métier classique ne répond pas forcément avec nos profonds désirs. Quand je te dis ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas, tu l'as pas forcément encore explicité. C'est vraiment ce que tu as au fond de toi, dans ton cœur, ce que tu ne pourrais juste pas supporter ou ce que tu désires plus ardemment que tout. Ce que, quand tu y penses, juste rien, le simple fait d'y penser, tu es content. Rien que le fait d'y penser, tu te sens mieux. Ou rien que le fait d'y penser, tu te sens pas bien. Rien que le fait d'y penser, tu t'énerves. Et ben ça, c'est à ce moment-là que tu sais ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Et donc, ma conclusion, si je t'ai convaincu, j'espère que je te l'ai, j'espère que je t'ai convaincu, c'est plutôt que de chercher un métier, tu cherches des situations de vie, riche, pas riche, libre, pas libre. Après, tu peux détailler ça, qu'est-ce que ça veut dire être riche. On a tous des définitions différentes de la richesse, mais si on prend la richesse classique avec l'argent ou la liberté classique géographique, si on prend ces cas précis-là, tu sais qu'est-ce que tu pourras faire, qu'est-ce que tu pourras pas faire, déjà. Et donc, ton rêve doit être composé de ces deux choses-là. Ensuite, dans l'ordre. Si je dois te donner un ordre pour remettre dans ta vie ce rêve, pour que ce soit clair pour toi, même si ça va pas te prendre, ça va te prendre peut-être plus que 5 minutes à y penser sûrement, mais tu vas y arriver avec cette méthode-là. C'est que tu commences par définir ce que tu ne veux absolument pas, ce que tu pourrais pas supporter. Première étape. Deuxième étape, tu définis ce que tu veux, mais pas seulement par opposition de ce que tu ne veux pas. Par exemple, si moi je vais dire que je ne veux absolument pas avoir quelqu'un au-dessus de moi, parce que j'ai du mal avec l'autorité. À l'école, je l'accepte parce que j'ai pas le choix, mais si après j'ai le choix dans ma vie, je la refuse. Donc ça, c'est ce que je veux pas. L'opposé, c'est je suis indépendant. Bon, c'est bien que je sois indépendant, mais il faut aller un petit peu plus loin que ça. Qu'est-ce que je veux réellement ? La liberté. Voilà, donc en deuxième point, tu définis ce que tu veux, mais tu es toujours un peu plus précis. Et en fait, là, le but, c'est qu'à chaque étape que je vais te donner, tu vas être plus précis dans ta démarche. Enfin, dans ce que tu veux ou ne veux pas, mais dans ce que tu donnes, tu es plus précis plutôt, voilà. Ensuite, la troisième étape, c'est que c'est peut-être l'une des plus compliquées, c'est celle où tu vas trouver, entre guillemets, qu'est-ce qui va t'offrir tout ça. Moi, par exemple, ce que je veux, c'est être libre et riche. Qu'est-ce qui peut me permettre d'être à la fois libre et riche ? Être entrepreneur. Des fois, c'est pas aussi évident que ça. Pour moi, ça n'a pas été si évident que ça au début. Et ça a été un coup de chance. Je suis d'abord tombé sur quelqu'un qui parlait de marketing, ça m'a intéressé. Il a montré qu'est-ce que c'était qu'être entrepreneur en ligne, sur le web. Et je me suis rendu compte que c'est exactement ce que je voulais. Mais ça n'a pas été une démarche consciente pour moi. Mais je sais que ça peut l'être. Et c'est après en y réfléchissant que je me suis rendu compte à quel point c'était ce que je voulais. Mais toi, actuellement, tu vas pas attendre que ça te tombe dessus. Moi, ça m'est tombé dessus. Si ça se trouve, si ça m'était pas tombé dessus, je serais pas en train de te parler, j'aurais pas fait mes mails et je serais encore en train de glander ou en train de jouer aux jeux vidéo là. Actuellement, alors que là, je sors d'un club de maths. Voilà, donc en quelques mois, la différence entre le tome d'avant et le tome de maintenant, je dis pas que le tome de maintenant est parfait, très très très très loin de là. Mais je pense que c'est une petite amélioration du tome d'avant quand même. Au moins, je sais ce que je veux. Donc, tu ne vas pas attendre que ça tombe dessus. Donc, tu vas faire cette démarche. Alors, on en revient à l'étape 3. Je me disperse un peu, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Et comme je ne suis pas encore très construit dans ma manière de parler sur les podcasts, je fais comme je peux. Donc, l'étape 3, c'est-à-dire que tu dois définir comment y arriver. Qu'est-ce qui va te permettre d'avoir tout ça à la fois. Donc, moi, c'est entrepreneur parce que je veux être libre et être riche. Toi, je sais pas si ce que tu veux, c'est t'occuper des animaux et à la fois ne pas voir d'animaux blessés, puisque tu supportes pas ça, ça pourrait être garde d'animaux. Voilà. Le rêve, c'est pas forcément quelque chose de grandiose. C'est ce que tu veux, c'est tout. Il n'y a pas de jugement au niveau de ton rêve. Ton rêve, c'est ton rêve, c'est pas celui de ton voisin. Donc si tu veux garder des animaux, si c'est ton rêve, fais-le et tu kiffes. Alors ensuite, la dernière étape, c'est la manière dont tu vas y arriver. C'est-à-dire le chemin que tu vas prendre pour y arriver. Quelles sont les étapes qui vont te permettre d'y arriver ? Alors, si tu veux être garde d'animaux, il y a sûrement une réglementation. Je ne suis pas expert là-dedans, c'est un exemple que je viens de trouver. Mais il y a sûrement un permis à avoir pour garder plusieurs animaux à la fois, ou en tout cas ça pourrait t'offrir une certaine légitimité. Alors ensuite tu regardes où tu en es. Par exemple, tu es en seconde générale. bon, tu t'es retrouvé là, tu sais pas trop pourquoi. Donc t'es en seconde générale, tu veux garder des animaux et tu sais qu'il te faut un certificat. Alors là, t'as plusieurs choses. Soit changes de lycée si tu peux pour avoir ce certificat. Auquel cas, il va sûrement falloir que tu aies des bonnes notes. Donc là, tu vas te mettre à bosser au lycée. Et donc, tu vas bosser au lycée pour devenir garde d'animaux. Même si, en fait, au départ, tu voyais pas vraiment où était l'intérêt à travailler au lycée pour devenir garde d'animaux. À quoi ça sert d'apprendre mes maths pour garder des animaux si c'est mon rêve? Parce que ça peut te permettre d'aller dans une bonne école pour ça. Ou alors, tu attends la fin de ton lycée. Et tu te lances, tout simplement. Le meilleur moyen, si c'est ça, si c'est ça ta situation, là tu peux te désespérer, te dire que tu vas perdre plus de 2 ans de ta vie à faire quelque chose qui te plaît pas, qu'en plus t'as pas la motivation, donc tu as des mauvaises notes, tes parents ils vont être sur ton dos, ça va être l'enfer. Là, faut réfléchir pragmatiquement. Tu vas te dire, si je veux que mes parents me laissent tranquille, faut que j'ai des bonnes notes. Donc je travaille pour avoir des bonnes notes. Ensuite, si je veux garder des animaux, il va falloir que je commence quelque part. Je vais pas attendre la fin de mes études pour commencer, alors qu'à la fin de mes études, j'aurai rien. Donc il faut que je prépare ma transition. Donc je vais commencer, à garder les animaux de mes voisins. Et petit à petit, je vais gagner de l'expérience. Voir aussi si c'est vraiment ce que je veux. Et si c'est vraiment ce que tu veux, tu as un petit peu d'expérience, tu vas essayer d'étendre ça à ton quartier. Tu vas faire des affiches, après tu veux essayer d'étendre ça à ta ville, va commencer à falloir à bouger des choses, peut-être aller dans les centres spécialisés, contacter du monde, voir les gens du milieu. Et si vraiment tu veux l'étendre beaucoup, tu vas commencer à devoir faire un site internet. Et donc voilà, et là tu as limite une entreprise. C'est-à-dire que sans t'en rendre compte, en travaillant, hein, tu sais, ça va pas se faire du jour au lendemain, tu as atteint limite une entreprise, c'est-à-dire avec un site internet, des tarifs, des horaires, bref, t'as tout. Et donc là, tu te rends compte que le moment où tu quittes le lycée, tes parents ont confiance en toi parce qu'ils voient que tu es capable de travailler, tu as ton bac et surtout, tu as ton business. Et là, tu peux commencer à garder des animaux. Tu as un nom dans le milieu, tu as des contacts, tu as des clients, tu as une plateforme. La seule chose qui te reste à te faire, c'est si tu gagnes assez, de te légaliser, de te déclarer, de créer ton entreprise. Et voilà. Et là, je dis, ça se fait pas sans effort, mais tu as le modèle pour, alors que tu étais en seconde générale, que tu savais pas pourquoi tu étais là, tu savais pas pourquoi tu faisais des dissertations de français, alors que c'est ce que tu détestes et tout ce que tu veux, c'est être avec des animaux, et ben avec une démarche pragmatique et consciente, tu es arrivé à ton objectif, tout en évitant les critiques. Évidemment que si tu as des très très mauvaises notes et que tu préfères t'occuper, jouer avec ton chien plutôt que de travailler, tes parents ils vont te dire bon, à un moment il va falloir se réveiller et faire autre chose quoi. C'est normal. Et donc si tu veux pouvoir être entre guillemets libre sur ton temps libre, va falloir travailler pour qu'on te laisse tranquille. Et donc voilà un exemple de ce que du chemin que tu pourrais avoir dans une des pires situations possibles, je pense. Donc je te résume les 4 étapes. On a la première, ce que je ne veux pas. La deuxième, ce que je veux. La troisième, quelle est la situation de vie pour avoir tout ce, à la fois ce que je veux pas, enfin éviter ce que je ne veux pas et avoir ce que je veux. Ensuite, la quatrième étape, c'est le chemin pour y arriver. Sur ton chemin, c'est le moment le plus dur parce que c'est le moment où tu as le plus de contraintes. Et sur un moment où tu as le plus de contraintes, à un moment, il va falloir que tu fasses des concessions pour y arriver. Ça ne va pas se faire tout seul. Il va falloir que tu travailles. Surtout, il va falloir que tu réfléchisses pragmatiquement. Ton honneur, tu le laisses de côté. Ta fierté aussi. Sauf si c'est ce qui te fait avancer, bien sûr. Mais tout ce qui pourrait te bloquer, tu le laisses de côté. Et tu y vas, tu fonces. Tu t'en fiches de ce que pensent les autres. Et surtout, c'est pas ton rêve, il est peut-être provisoire. Peut-être que, comme moi, quelque chose de mieux va te tomber dessus. Tu vas te rendre compte que c'est ce que tu veux. Et ça, pour ça, si tu veux passer d'un rêve à l'autre, va falloir que les bases soient bonnes. D'où l'intérêt de travailler à l'école. C'est une des meilleures. Je pense que c'est vraiment un des meilleurs arguments que j'ai. C'est que brûler ses navires derrière soi, c'est pas une bonne idée. C'est si tu veux, par exemple, être garde de chien, l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, que tu commences à faire ça et que tu te rends compte que c'est pas ce que tu veux. Et qu'en fait, ce que tu veux, c'est être vétérinaire. Ben, pour être vétérinaire, il faut faire des études. Sauf que si commencer à être garde d'animaux, tu as complètement arrêté les cours, que tu ne fous plus rien et que tes notes, c'est la catastrophe, tu as énormément de retard, t'auras énormément de difficultés à faire la transition. Énormément de difficultés. Et c'est donc pour ça que tu ne dois absolument pas négliger les cours. Même si ce n'est pas un système parfait, même si ce que tu fais, ça ne te servira sûrement pas dans la vie, c'est surtout un passe-droit. Et ce passe-droit, si tu le brûles, tu vas avoir énormément de mal à le regagner. Et si jamais tu te rends compte que c'est pas ce que tu veux, tu vas le regretter très très fort. Et donc, si je peux dire l'autre conclusion, plus générale, plutôt, donc là je viens t'expliquer comment trouver ton rêve. Si tu veux savoir quoi faire maintenant, c'est 1. Trouver ton rêve, tu sais comment faire. Et 2. Travailler à l'école. Parce que c'est ce qui peut t'aider dans la majorité des cas, même si c'est pas directement ce que tu veux faire, ça peut au moins te laisser la marge sur ton temps libre pour faire ce que tu veux, comme je te l'expliquais plus tôt. Et donc dans tous les cas, en fait, on se rend compte à la fin, même si c'est inutile, même si, enfin à première vue c'est inutile, même si ça te servira strictement à rien dans ta vie, ben en fait travailler à l'école, quand tu es au lycée, c'est vraiment indispensable, quoi que tu fasses. C'est vraiment indispensable. Le seul moyen où tu peux te dire je quitte l'école, c'est éventuellement quand tu as ton business qui marche, que c'est ce que tu veux faire, que tu as de l'avenir dedans, que tu gagnes déjà de l'argent. Si c'est ce que tu veux faire, que tu as de l'avenir dedans et que tu gagnes déjà de l'argent et que l'école te fait perdre ton temps parce que tu sais que tu pourrais gagner bien plus et te développer bien plus en étant à 100% sur ton activité, alors oui, là, ça devient débile de persister dans le lycée. Et le quitter, ça peut être une bonne idée. Mais tu n'es sûrement pas à ce niveau-là, je ne suis pas à ce niveau-là, et donc pour ça, je reste à l'école. Alors, ce dont j'aurais plein d'autres choses à te dire, je voudrais parler d'être heureux au lycée, parler de comment aimer ce que tu n'aimais pas à la base, sauf que ça me prendrait trop de temps, l'épisode doit faire déjà presque 10 minutes, je n'ai pas regardé, mais ça commence à faire beaucoup. Et puis, je viens de t'expliquer tout ça, je suis encore dans cet esprit-là. Je te parlerai de ça demain. Et tu peux... Je sais pas encore comment je vais le publier, là. La méthode d'hier n'était pas... C'était vraiment pas top. Donc, je vais voir comment je peux faire ce soir. Là, il est vers 16h30, j'ai encore le temps pour préparer tout ça. Et donc, il y a de grandes chances que demain, ce soit un peu mieux pour l'écouter. Et donc, on se retrouve à demain. Tu peux en parler à tes amis de ce podcast si ça les intéresse, si tu vois qu'ils savent pas trop quoi faire, qu'ils sont perdus dans leur vie, enfin dans leur vie, qu'ils savent vraiment pas où aller, ils voient pas pourquoi c'est bon de travailler, et donc tu peux leur partager ce podcast, ça peut sûrement les aider, vraiment. Je pense que ils te remercieraient beaucoup si tu faisais ça pour eux. Je te laisse, passe une bonne journée. Et puis courage, je sais que là demain, aujourd'hui au moment où t'écoutes ce podcast, mais pour moi c'est demain, c'est la reprise pour beaucoup. Et donc je vous souhaite bon courage et puis à demain.